إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، continue explication du livre Al-Waji et sur Fiqh al-Sunnah et Al-Kitab al-Aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunnah du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc on continue dans le livre des nourritures. La semaine dernière, on avait traité du sacrifice et plus en détail en ce qui concerne l'égorgement de la bête. On avait dit qu'il y avait deux choses, il y avait des bêtes qu'on pouvait égorger et d'autres que l'on ne pouvait pas égorger. Au niveau des bêtes que l'on peut égorger, quelles sont les différentes façons de sacrifier une bête, celle que l'on peut sacrifier? Personne. Couteau. Je dis pas comment. Je dis pas avec quel outil. C'est comment sacrifier les bêtes qui sont sacrifiables. Non. L'un qu'on peut sacrifier et l'autre qu'on peut chasser. Non. Celle qu'on chasse et celle qu'on ne peut pas sacrifier. Mais celle que l'on peut sacrifier, il y a différentes façons de sacrifier. Trancher la gorge des veines jugulaires, ça c'est concernant Al-Ghanam. Concernant les moutons, les chèvres, bien sûr mâles et femelles, et les vaches et bœufs. Et on avait parlé de l'ibil, du chameau. Comment est-ce qu'on sacrifie le chameau? Yunhar. Comment est-ce qu'on fait le nahar? Non, on coupe à la base du cou, c'est-à-dire on tranche la base du cou du chameau. Ainsi a été rapporté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, que à son époque les chameaux étaient, yani on leur plantait le couteau sur le côté droit et au niveau de la base du cou du chameau. Et la sunna également c'est d'attacher le pied gauche du chameau. Pourquoi? D'attacher les pattes. Enfin, quand on parle d'animaux, on parle de pattes. D'attacher les pattes gauches. Non? Non? Non? Non, le chameau, il doit être tué debout. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Et lorsqu'elle tombe sur le côté, autrement dit, si elle tombe sur le côté, c'est qu'elle a été sacrifiée debout. On avait vu ça ou pas dans le kitab de... On attache les pattes gauches pour qu'elle puisse effectivement tomber sur le côté droit, sur le côté gauche à la fois, mais aussi pour que celui qui va lui porter le coup ne soit pas en danger. Pourquoi? Car si le chameau tient sur la patte droite et que les pattes gauches sont attachées, est-ce qu'elle pourra frapper celui qui veut l'égorger de sa patte droite? Elle peut ou pas? Non, car c'est sa patte d'appui. Elle ne pourra pas. Or, si on attache le pied droit, elle peut. D'accord? Donc, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que pour ne pas que celui qui égorge soit en danger, qu'il se prenne un coup de patte. Et la deuxième chose, c'est pour que lorsque le coup lui sera porté, elle tombera sur le côté gauche. Donc ça, c'est concernant l'ébide. Donc les bêtes qui sont sacrifiables, c'est-à-dire celles que l'on peut sacrifier, soit on égorge, c'est-à-dire qu'on coupe la veine jugulaire, et ceci autre que les chameaux. Quant aux chameaux, on fait ce qu'on appelle un nahar. Donc ça, c'est les bêtes que l'on peut sacrifier. Celles que l'on ne peut pas sacrifier, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi, celles que l'on ne peut pas sacrifier? Celles dont on n'a pas la maîtrise, comme le hadith qui a été rapporté la semaine dernière, où les compagnons avaient encerclé un troupeau de ghanam et un des chameaux s'est enfui. Et qu'est-ce que l'un des compagnons a fait? Il lui a tiré une flèche dessus. Et le prophète Hassan m'a dit que lorsque une situation similaire se reproduit, faites comme l'a fait. Comme il l'a fait, c'est-à-dire, vous pouvez dans ce cas viser cet animal avec une flèche ou tout autre instrument de chasse. Et le prophète Hassan m'a dit car, concernant le chameau, il a un instinct sauvage, comme les animaux, comme les bêtes sauvages. Ensuite, on avait parlé du sacrifice de l'embryon ou du fœtus. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non? Si on égorge la mère, le fœtus est obligatoirement consommable comme ça. Non, que le sacrifice de la mère est le sacrifice aussi du fœtus ou de l'embryon lorsqu'on égorge une femelle qui porte. Et si le petit qu'elle porte sort de son ventre vivant, alors il doit être sacrifié. Ensuite, on a parlé de tasmiya, le fait de dire bismillah. Qu'est-ce que c'est tasmiya dans le dhabh? C'est préférable, c'est recommandé, c'est obligatoire, c'est une condition, c'est un pilier? C'est obligatoire. C'est obligatoire, seulement obligatoire. C'est une condition. La tasmiya, le fait de dire bismillah, c'est une condition pour que la bête soit licite à la consommation. Autrement dit, celui qui ne dit pas bismillah, la bête n'est pas licite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fakulu mimma dhukira smullahi alayhi. Mangez sur ceux dont le nom d'Allah a été prononcé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit wala ta'kulu mimma lam yudhkar smullahi alayhi. Et ne mangez pas ceux sur lequel le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Donc ici, c'est une interdiction claire et formelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent confirmer cela, entre autres le hadith que l'on a vu à plusieurs reprises, ma anhara dama wa dhukira smullahi fakul. La bête dont le sang a giclé et sur laquelle le nom d'Allah a été prononcé, alors mange. Autrement dit, si le sang n'a pas giclé ou si le nom d'Allah n'a pas été prononcé, alors ne mange pas. Ensuite, on a parlé de istiqbal al-qibla, le fait de diriger la bête vers la qibla. Est-ce que c'est une sunna ou pas? Quelle est la preuve? La preuve, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé deux béliers le jour de l'Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son pied sur le cou, et dans le hadith, il a été dit, et il les a dirigés, c'est-à-dire en direction de la qibla. Fadhabahahouma an-nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié ses deux béliers, et il a dit entre autres, Allahumma hada minka walak, wa liman lam yudahi min ummati. Oh Allah, cela provient de toi, et cela. Et Annie, le sacrifice est pour toi ainsi que pour tous ceux de ma communauté qui ne peuvent pas égorger. Ensuite, on a parlé du chapitre de la chasse. Le chapitre de la chasse. Est-ce que la chasse est autorisée en islam? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا » Lorsque vous êtes désacralisé, c'est-à-dire lorsque vous sortez de votre état de sacralisation, autrement dit l'état d'Ihram, c'est-à-dire lorsque l'on accomplit le Umrah, la Umrah ou bien le Hajj, lorsque l'on est désacralisé, Allah Azza wa Jalla dit alors chassez. Ceci est une autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette chose bien sûr est autorisée sous condition, est autorisée sous condition, à savoir qu'il n'est pas autorisé de chasser en état de sacralisation ni dans la terre ni dans la terre sacrée. Ensuite, yani, quels sont également les types d'animaux qu'il est autorisé de chasser? On avait donné la définition la semaine dernière. Est-ce qu'on a le droit de chasser n'importe quel animal? Non. Des animaux domestiques, c'est-à-dire non, des animaux domestiques, on a le droit ou on n'a pas le droit? On n'a pas le droit, yani, on n'a pas le droit, c'est-à-dire, on n'a pas le droit. On a le droit de les tuer, mais on ne parle pas de chasse. Non. On parle de chasse lorsqu'il s'agit d'un animal terrestre dont il est autorisé de manger, qui nous est licite, et qui est sauvage, mais encore, par nature. Et qui est sauvage par nature. Ça veut dire quoi, sauvage par nature? Ça veut dire qu'ils ne sont pas obéissants. Non, c'est pas dire que à la base, c'est des animaux, ils sont domestiques. Ils peuvent donc être domestiqués par la base de nature sauvage, comme le lapin. Non. Donc il faut qu'il soit sauvage à la base. C'est-à-dire que par nature, il soit sauvage, même s'il a été apprivoisé par la suite. Donc même s'il a été apprivoisé par la suite, autrement dit, si on tue un animal, un lapin par exemple, comme a dit le frère, qu'on a apprivoisé, on parle là de chasse, car le lapin est à la base un animal sauvage. Les moyens de chasse, avec quoi est-il autorisé de chasser? Tout est permis. Tous les instruments sont permis. À part les dents et Les ongles. Les ongles, comme on avait dit, Moudal Habasha, c'est ce qu'utilisaient les gens d'Abyssinie à l'époque pour tuer. Ils les tuaient avec leurs ongles. Et quant aux dents, ce sont des os. Attendez, comme exemple, avec quoi on a le droit de chasser? Non? Des flèches, les lances, couteaux, comment? Épée, fusil. Les chiens. Pourquoi le fusil c'est autorisé? Non. La condition c'est quoi pour que il faut que la peau soit transpercée et que l'objet se plante dans le corps, soit planté dans le corps. Ce sont les deux conditions. Et également, avec quoi il est autorisé de chasser? Les chiens de chasse. Les carnassiers de chasse. D'accord? Et on avait dit que concernant les chiens de chasse, il fallait qu'ils soient dressés pour la chasse. Et deuxièmement, c'est quoi la condition également? Les trois conditions pour que la chasse faite avec un chien de chasse soit licite et autorisée. La première, il faut que le chien soit dressé pour la chasse. Il ne faut pas que ce soit un chien non apprivoisé et qui n'a pas eu d'enseignement de la chasse. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il mange de la proie. S'il mange de la proie, alors elle n'est pas autorisée. Pourquoi? Car il a chassé pour lui et non pas pour son propriétaire. Et Allah Azza wa Jalla a dit fakulu mimma amsakna alaykum, et mangez de ce que ces chiens ont capturé pour vous. Donc s'ils ont pris quelque chose qu'ils ont capturé pour eux, autrement dit, si ce chien mange cette proie, c'est qu'il a pris la proie pour lui et non pas pour son maître. Et la troisième condition, c'est qu'il ne faut pas... Lorsque tu lances le chien, lorsque tu l'envoies attraper la proie, tu dois dire Bismillah, effectivement. Et il y a aussi une quatrième chose dans ce cas. Il ne faut pas que tu trouves un autre chien en compagnie du tien. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres chiens en compagnie du tien, car toi, tu as prononcé le nom d'Allah sur ton chien et non pas sur le chien des autres. Et on avait dit que cela, tu ne mangeais pas de cette proie s'il y avait un doute. Mais si tu es persuadé que tu as les preuves que c'est effectivement ton chien qui a capturé la proie et que l'autre n'est venu que par la suite, alors dans ce cas, tu as le droit. Et concernant la chasse avec un chien qui n'est pas dressé, qui n'est pas dressé à cet effet, qu'est-ce qu'on fait ? Non. Elle n'est pas autorisée s'il rapporte la proie morte. Mais s'il rapporte la proie encore vivante, alors elle doit être sacrifiée et ensuite consommée. D'accord ? Donc, la proie apportée par le chien non dressé est illicite s'il la rapporte morte. Mais s'il la rapporte vivante, il est autorisé de l'égorger et de consommer. Voyez, lorsque la proie tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Non ? La consommation est interdite. Pourquoi ? Le professeur Salim l'a dit, « فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي ?» الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ. Car tu ne sais pas si c'est l'eau qui l'a tué ou ta flèche. Et on avait dit que, ici, le professeur Salim dit, si tu ne sais pas, autrement dit, si tu sais que c'est ta flèche qui a tué l'animal, alors tu manges même si tu le trouves dans l'eau. Voyez, lorsque la proie a disparu pendant un ou deux jours, tu as chassé et la proie, tu ne la retrouves que deux jours après. Est-ce qu'il t'est autorisé de la consommer ou pas ? Non ? Pourquoi ? Il y a d'autres bêtes qui peuvent la manger. Mais il y a d'autres bêtes qui ne peuvent pas la manger aussi. Tant qu'elle est consommable. Tant qu'elle n'est pas pourrie, tu peux la manger 2 ou 3 jours. Voilà. Tant qu'elle est consommable, tu peux la manger. Tant qu'elle est consommable, tu peux la manger. Mais si, est-ce que c'est la seule condition ? Non, 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours ? Et les 2 ou 3 jours, c'était un exemple cité dans le hadith. Il n'y a pas d'autres traces. Saint, il ne faut pas qu'il n'y ait d'autres traces sur le corps de l'animal. Autrement dit, si tu retrouves la proie 2-3 jours après et que tu la retrouves uniquement avec la blessure faite par ta flèche ou par l'arme que tu as utilisée et que la viande est consommable, alors tu as le droit. Car tu es sûr que cette proie n'a été tuée que par ton arme et qu'elle est encore mangeable. Par contre, si tu trouves dans le corps d'autres traces de blessures qui auraient pu entraîner sa mort, alors dans ce cas, il n'était pas autorisé de la manger. طيب يقول المؤلف باب الأضحية. Donc ensuite l'auteur parle de الأضحية. الأضحية qui est le sacrifice de l'Eid. تعريفها هي ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. حكمها وهي واجبة على القادر عليها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا حديث حسن رواه ابن ماجه ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح دل على أنه ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب عن مخفف بن سليم بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجبية وقد نسخت العتيرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية وعن جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح وهو ظاهر في الوجوب لا سيما في الأمر بالإعادة السيل الجرار بتصرف. طيب نوك الأضحية كي هي السكريفيس لجور دو العيد. Il y a une différence entre Al-Udhiya et Al-Hadi. Quelle est cette différence? Al-Hadi, c'est quoi Al-Hadi? Naam, c'est la bête qui est sacrifiée lors du Hajj. Ou plus précisément, c'est la bête qui est sacrifiée dans la terre sacrée de la Mecque. Et quant à Al-Udhiya, elle est plus générale. Et c'est le sacrifice qui est fait le jour de l'Eid. Et pourquoi est-ce qu'elle est appelée ainsi, Udhiyah? Qu'est-ce qu'il y a comme mot dans le mot Udhiyah? Adha. Non? Adha. Adha. Mais aussi Duha. Et Duha, c'est c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Et vous savez tous que Salat al-Eid, quand est-ce qu'elle se fait normalement? Juste après le lever du soleil. Juste après le lever du soleil. Elle est donc appelée ainsi car les bêtes sont sacrifiées le jour de l'Eid après le lever du soleil. Ou au moment du lever du soleil, après la prière bien sûr. Et l'auteur a dit, la définition c'est ce qui est égorgé min al-na'am ma yudbahu min al-na'am yawm al-nahr, c'est ce qui est égorgé parmi al-na'am. Qu'est-ce que al-na'am? Al-na'am c'est les bestiaux et dedans sont inclus les ovins et les bovins. Et les chameaux entrent dans quoi? Na'am? Al-ibn, na'am, ça entre dans quoi? Dans les ovins ou dans les bovins? Dans aucun des deux. Donc c'est les ovins, les bovins plus les camélidés. Donc les camélidés qui englobent à la fois les chamelles et les chameaux. Donc lorsqu'on parle d'un animal, lorsque l'on dit mouton ou brebis, lorsque l'on dit chèvre ou bouc, lorsque l'on dit mouton ou chèvre, il faut comprendre les deux. Il faut comprendre le mâle comme la femelle. وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ, donc c'est les bêtes qui sont sacrifiées parmi al-na'am le jour de Naha, le jour du sacrifice, c'est-à-dire يوم العيد al-adha. وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ, et également les jours de التشريق qui sont les trois jours qui suivent le jour de l'Eid. تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, et ceci en guise d'adoration Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la définition de l'udhiya. Hukmuha, son jugement. Wa hiya wajibatun 'ala al-qadir 'alayha, elle est obligatoire pour celui qui a la possibilité de le faire. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a une aisance et qui ne prie et qui n'égorge pas, ou qui ne sacrifie pas, qui n'approche pas notre lieu de prière. وجه الاستدلال, et on comprend de ce hadith que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit celui qui a de l'aisance, c'est-à-dire celui qui a la possibilité financière d'acheter une bête à égorger le jour de l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui a une aisance d'égorger et qui ne l'a pas fait d'approcher le lieu de prière. Cela prouve que cette personne a laissé quelque chose d'obligatoire et qu'il n'y a pas de bénéfice à s'approcher de la prière pour un serviteur qui a délaissé cette obligation. Et selon Mirfaf ibn Sulaym, il dit nous étions debout à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafah, et il a dit: ô vous les gens, il incombe à chaque famille, chaque année, udhiyatan wa atira. Une udhiya et une atira. Et le professeur Hassan m'a dit, atadrouna mal atira. Savez-vous ce qu'est al-atira? Hiya allati yusammiha an-nas ar-rajabiyya. C'est celle que les gens appellent ar-rajabiyya. Qui connaît ar-rajabiyya? Ar-rajabiyya, c'était un sacrifice qui était fait le premier jour de Rajab ou bien le premier vendredi de Rajab. Les gens sacrifient une bête le premier jour de Rajab ou le premier vendredi de Rajab, et ceci en guise de, d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, comme l'a dit l'auteur, وَقَدْ نُسِخَتِ الْعَتِيرَةِ. Mais l'atira a été abrogée. Elle a été abrogée dans un autre hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La fara'a wa la atira. » La fara'a wa la atira. Point de fara' et point de atira. Donc l'atira, on sait ce que c'est. C'est le fait d'égorger une bête le jour, le premier jour de Rajab ou le premier vendredi. C'est ce qui est connu chez les gens sous le nom de Ar-Rajabiyya. Et Al-Fara', qu'est-ce que c'est? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La fara'a. » Personne ne sait. Al-Fara, c'est une coutume qui était chez les Arabes. Ils sacrifiaient le premier petit mis au monde par une femelle. Ils le sacrifiaient pour leurs idoles. Pourquoi? Et ils prétendaient, en faisant cela, que cela allait contribuer à la fertilité de la femelle, et que le fait de sacrifier le premier petit qu'elle aura mis au monde fera en sorte que ce sera une femelle qui portera beaucoup et qui sera fructueuse. Et comme dans un hadith, yadbahunaha li tawaghitihim, et ils égorgeaient cela, ce premier né, ils l'égorgeaient pour qui? Pour leurs idoles et leurs statues. Et l'auteur dit, وَنَسْخُ الْعَتِيرَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَسْخُ الْضُحِيَةِ. Et le fait que l'atira a été abrogée dans le hadith que l'on vient de citer, cela ne veut pas dire, ou cela n'impose pas, ou ne veut pas dire forcément que الْضُحِيَةِ a été également abrogée. Car ici, le professeur Asselam a dit, لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةِ. Dans le premier hadith que l'on a cité, le professeur Asselam a dit, qu'il incombe à chaque famille de chaque maison, chaque année, une udhiya et une atira. Et dans le second hadith, le professeur Hassan a abrogé l'atira. Mais le fait qu'il ait abrogé l'atira, est-ce que ça veut dire que l'udhiya aussi a été abrogée? Non, il n'y a pas de hadith qui abroge l'udhiya. Et selon Jundub ibn Sufyan al-Bajali, il dit, j'étais en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Nahr, le jour de l'Eid, Yawm al-Nahr, et il a dit, celui qui a égorgé avant d'avoir prié, qu'il égorge une autre à sa place, et celui qui n'a pas égorgé, qu'il égorge. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'auteur dit « وَهَدَ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ » Ceci est clair concernant l'obligation, et d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui a égorgé avant la prière d'en égorger une autre à la place. D'en égorger une autre à la place. Les savants ont déduit de ce hadith une autre à la place, c'est-à-dire une autre semblable. Une autre semblable. Ce n'est pas quelqu'un qui a par exemple égorgé un mouton, un bélier qui était bien portant, etc. Mais avant la prière, et qui dit mais c'est pas grave, je vais en refaire une autre après, mais je vais prendre une brebis, le strict minimum, non. فَلْيَعُدْ مَكَانَهَا أُخْرَى. À sa place, qu'il égorge une autre, c'est-à-dire une autre bête similaire à la première qu'il a sacrifiée. Et le professeur a dit, celui qui n'a pas égorgé, qu'il égorge. Donc ici, le professeur s'est adressé à deux types de personnes. Le premier type, c'est les personnes qui ont égorgé avant la prière. Le fait d'égorger avant la prière, est-ce que cela est considéré comme un sacrifice du Eid? Non. Le professeur a dit à un compagnon qui a égorgé avant la prière, « Chatou kachatou lahmin » Ta brebis, c'est une brebis de viande. Yani, ce n'est que de la viande que tu as donnée ou que tu as yani, offert à ta famille ou aux proches à qui tu as donné cette viande. Mais en aucun cas, c'est un sacrifice que tu as offert ou que tu as présenté à Allah subhanahu wa ta'ala car elle a été faite avant la prière. Et le second type de personnes à qui s'est adressé le professeur, ce sont les gens qui n'ont pas égorgé. Et ceux qui n'ont pas égorgé, qu'ils égorgent. Et ceci, l'explication et les hadiths cités, a été cité par l'auteur qu'il a pris de Sayl al-Jirar, qui est un livre de l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, dans le fiqh. Mimman takun, mimma takun, wa la takunu illa min al-baqari wal-ghanami wal-ibil, لقوله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Et comme on l'a dit, l'udhiya doit être, ne peut être que soit des vaches ou bien des ovins ou bien des chameaux et chamelles. La preuve est la parole d'Allah Azzawajal, et à chaque communauté, nous avons assigné un rite officiel, mansakan. Et quel est ce rite? Le sacrifice. Le rite du sacrifice est d'écouler le sang de la bête. Liyadhkuru isma Allah, afin qu'il prononce le nom d'Allah. Afin qu'ils prononcent Allah, le nom d'Allah, sur ce que leur a attribué Allah comme Bahimat al-An'am. Et Bahimat al-An'am, comme on l'a dit, c'est les ovins, les bovins, les chameaux et les chamelles. Donc, et Allah Azza wa Jalla dit à chaque communauté. Cela signifie que c'est un rite qui n'est pas propre à la religion musulmane, mais que c'est le fait de sacrifier une bête était un rite connu dans chacune des communautés et des religions qui nous ont précédés. Et un nusuk fait aussi partie de Millat Ibrahim, fait partie de Millat Ibrahim, de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et on avait dit que la religion d'Ibrahim avait des similitudes avec l'islam. La première était dans le tawhid. On avait dit qu'il avait d'autres choses. Et parmi ces choses, il y a le fait de sacrifier la bête. Mais il y a aussi al-khitan. Il y a aussi la circoncision qui fait partie des rites d'Ibrahim alayhi salam et qui fait partie aussi des choses obligatoires, voire recommandées dans notre religion. عن كم تجزي البدنة والبقرة. طيب concernant على كل أهل بيت le professeur Hassan m'a dit il incombe aux vous les gens il incombe pour chaque famille عن كل أهل بيت pour chaque famille d'une même maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une maison. Non. Chaque famille d'une même maison. Les savants ont dit que tu dois sacrifier une bête pour chaque famille qui vit et qui mange sous le même toit. Autrement dit, si un enfant, par exemple, habite à l'extérieur du domicile familial, est-ce que le sacrifice de son père sera un sacrifice pour lui? Non. Car il ne vit pas sur le même toit et il ne mange pas le même repas. D'accord ? Donc, à partir du moment où la personne est indépendante de sa famille, le sacrifice que fera son père ne sera pas un sacrifice pour lui. Donc, non. C'est-à-dire ? S'il vit avec ses parents, a sa famille, il a ses courses, tout ça. Il n'est pas habitué dans la même maison, mais il est de l'autre côté. Mais est-ce qu'il mange le même repas? Est-ce qu'il mange le même repas? S'il mange le même repas, alors oui. S'il ne mange pas le même repas, alors chacun doit faire son sacrifice, même s'ils sont sur le même toit. Les savants donnent deux conditions, être sur le même toit et manger le même repas. طيب عن كم تجزي البدنة والبقرة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقر عن 7. يعني عن كم تجزي البدنة والبقرة la vache ou le chameau, la chamelle et la vache ou le bœuf, yani combien de personnes peuvent se réunir sur le sacrifice d'un chameau ou d'une chamelle et d'une vache ou d'un bœuf, yani une brebis, yani vaut pour une famille. Il y a un père de famille, lorsqu'il sacrifie une brebis ou un mouton le jour de l'Aïd, il a fait son devoir vis-à-vis de lui et de sa famille. Comme on l'a dit, celle qui vit, elle et sa famille qui vit sur le même toit et qui mange le même repas. Et donc, une brebis ou un mouton vaut pour une famille. Et une vache et un chameau vole pour combien? 7 pour la vache folle, ça? Non, c'est 7. Sur Abdullah ibn Abbas, il dit, nous étions avec le professeur Hassem en voyage. فَحَضَرَ الْأَضْحَى. Al-Adha est venu. C'est-à-dire, Al-Adha... Non? فَحَضَرَ الْأَضْحَى. العيد. Et c'était le jour de l'Aïd. Ils étaient donc en voyage pendant ce jour-là. فَشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ. Nous nous sommes réunis. فِي الْجَزُورِ. C'est-à-dire, nous avons participé sur l'achat et sur le sacrifice d'un chameau عَنْ عَشَرَى. Et ceci pour 10. C'est-à-dire que le sacrifice d'un chameau vaut pour 10 quoi, 10 personnes ou 10 familles? 10 familles. وَالْبَقَرَ عَنْ سَبْعَى. Et la vache vaut pour 7, c'est-à-dire 7 familles. Donc, الْغَنَمْ, c'est-à-dire le mouton, la brebis, mais aussi la chèvre ou le bouc, valent pour une famille. La vache et le bœuf pour 7 familles et le chameau et la chamelle pour 10. Ash-shatu tujzi 'an ar-rajuli wa ahlihi. Puis l'auteur dit, la brebis vaut pour un homme et la famille et sa famille. An 'Atha ibn Yasar qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kayfa kanat ad-dhahaya فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصارت كما ترى. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي. سنو عطا بن يسار يجي جي كيستيوني أبو أيوب الأنصاري كمو إتي les bêtes sacrifiées au temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il a dit, c'est-à-dire, Abu Ayyub al-Ansari, l'homme, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, égorgeait une brebis, bishat. Et ashat, les savants disent, lorsqu'elle est dite comme cela, elle englobe à la fois le mouton, la brebis, la chèvre et le bouc. Il égorgeait une brebis pour lui et pour sa famille habitant dans sa maison. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ Ils l'ont mangé et en donnaient à manger. C'est-à-dire qu'ils mangeaient de cette brebis et donnaient نعم, en sadaqa. ثُمَّ تَبَاهَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى Puis les gens se sont يعني تَبَاهَوْ ثُمَّ تَبَاهَ النَّاسُ C'est-à-dire que les gens se sont ostentés. Se sont ostentés et cela veut dire qu'ils se sont ostentés et égorgent plus qu'une brebis. Fasarat kamatara. Et c'est ce qui explique la situation que tu vois. Autrement dit, on comprend que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne se contentaient plus de sacrifier une brebis le jour de l'Aïd, mais en sacrifier beaucoup. Et les savants ont dit qu'il est autorisé de sacrifier plus qu'une bête à condition que cela ne soit pas fait par orgueil. De dire, moi, je suis plus riche que l'autre, ou moi, je suis plus méritant que l'autre, je vais égorger 3 brebis ou 4 au lieu d'une. Le fait de le faire par orgueil, cela est interdit. Mais si tu le fais parce que tu as les moyens et parce que tu veux avoir plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela est autorisé. Ma la yajouzu an yudaha bih. Les animaux qu'il est interdit de sacrifier. An yudaha bihi, c'est-à-dire quand on dit les animaux qu'il est interdit de sacrifier, c'est-à-dire en guise de udhiya, le jour de l'Aïd, en guise de sacrifice, le jour de l'Aïd. On ne parle pas de celui qui veut égorger une bête pour sa famille ou pour la donner en aumône. Là, on parle de la bête qui est sacrifiée le jour de l'Aïd. An Ubayd ibn Fayrouz, qala qultu lil Bara ibn Azib, hadithni bima kariha aw naha anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-adahi. Faqala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hakada bi yadihi. ويدي أقصر من يده 40 لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد ولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز قال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود والنسائي والترمذي. Selon Ubayd ibn Fayrouz, il dit, j'ai demandé à Al-Bara ibn Azib, informe-moi de ce qu'a déconseillé ou interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme bête pour le sacrifice de l'Aïd. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi avec ses mains. Ainsi, c'est-à-dire, il a montré le chiffre 4. وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ Et Al-Bara ibn Azib a dit, et ma main est plus petite que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, il a voulu dire que les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus grande que la sienne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أَرْبَعُ لَا تُجْزِي فِي الْأَضَاحِي 4 ne sont pas valables concernant l'Udhiya. Ne sont pas valables, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas valables et qu'elles sont interdites à la consommation? Ou est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas valables, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas considérées comme un sacrifice du jour de l'Aïd? Non, taïb. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas considérées comme une udhiya pour le jour de l'Aïd. Mais les quatre catégories qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est autorisé à quelqu'un de sacrifier ce genre de bête pour sa famille ou pour la donner en aumône. Le professeur Hassan m'a dit Al-awra al-bayyinu awaruha. La borgne, dont le caractère borgne est évident. Et ni la bête qui est borgne. C'est-à-dire, à qui il manque un œil. C'est-à-dire à qui il manque un œil. Il manque une partie de. Comment est-ce qu'on sait qu'une brebis, par exemple, est borne? Et de façon évidente. Et soit son œil est éteint, ou soit elle n'a plus d'œil, ou soit il est fermé. Donc là, c'est une bête dont on sait de façon évidente et claire qu'elle ne voit que d'un œil. Donc c'est la première façon, ou le premier moyen de savoir qu'une bête est borne. Mais il y a aussi un autre moyen. Non? Parce que la bête peut très bien voir d'un seul œil, sachant que l'œil dans lequel elle ne voit pas peut être intact, yani visuellement. Les savants disent comment elle se. Yani une bête qui ne voit que d'un œil tourne toujours son cou. Par exemple, lorsqu'elle veut manger, yani quand elle veut regarder, par exemple, à gauche, et que c'est son œil gauche qui est. Voilà. Donc, une personne qui voit que d'un œil, pour regarder le côté dans lequel elle ne voit pas, elle est obligée de tourner la tête. Alors qu'une personne qui a ses deux yeux n'a pas besoin de tourner sa tête à chaque fois pour bien voir. Et pourquoi est-ce que celle-ci ne vaut pas ou n'est pas considérée comme valable pour l'Udhiya? Non, parce qu'elle a un défaut, premièrement, mais aussi. Parce que ce sera une bête qui ne mange pas bien. Ce sera une bête qui ne mange pas bien, car si elle mange, elle ne pourra pas manger comme les autres bêtes qui voient mieux qu'elle. D'accord? Et dans un pâturage, cette bête, elle y passera sûrement à côté de beaucoup de nourriture. Contrairement à celle qui voit des deux yeux, rien ne lui échappera. Qu'elle mange de l'herbe ou qu'elle mange les feuilles d'un arbre, elle pourra manger tout ce qui est à sa portée. Or, celle qui ne voit que d'un œil ne pourra pas manger tout ce qu'elle s'est porté. Et la malade, dont la maladie est claire et évidente. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un animal malade? Non? Si boîte, ça c'est un autre type qu'a cité le professeur Hassan. Ça aussi c'est un autre type qu'a cité le professeur Hassan. Et une bête malade. Elle tremble. Une malformation. Du malade. Déjà la chaleur. Yani, c'est une bête qui est chaude. Yani, elle a de la fièvre. On peut reconnaître une bête malade à sa fièvre. On peut aussi la reconnaître lorsqu'elle ne mange pas beaucoup. Une bête qui ne mange pas beaucoup est une bête qui est malade. Il y a également ce qui peut apparaître de son corps. Ça peut être un hématome ou autre fait qui nous montre clairement que cette bête est bel et bien malade. Et également une bête qui est faible, c'est-à-dire qui est fainéante, qui ne veut pas avancer, qui est de tension, on va dire. C'est une bête qui est malade. Et la bête qui est malade n'est pas valable concernant al-udhiya. Ensuite, le professeur Hassan m'a dit « Wal-arja al-bayinu dhala'uha ». Al-arja al-bayinu dhala'uha. C'est-à-dire celle qui boite. La bête qui boite et dont le caractère boiteux est visible. Est visible. Et les savants ont dit que pour reconnaître où la la bête qui boite, qui n'est pas valable pour l'Udhiya, c'est celle qui ne peut pas marcher avec celle qui ne boite pas. Et ici, elle boite un petit peu, mais que le fait qu'elle boite ne l'empêche pas de marcher et de suivre les autres bêtes qui, elles, sont saines, alors il est autorisé. Par contre, si elle est toujours derrière, et si elle doit fournir plus d'efforts pour marcher et être au même niveau, alors elle n'est pas autorisée concernant al-udhiya. Puis le professeur Hassan m'a dit « وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي » والكثيرة التي لا تنقي. الكثيرة c'est celle qui est amaigrie, celle qui est maigre. التي لا تنقي. Les savants ont dit cela vient du mot نقيون, أي لا نقي فيه فيها. Et le نقي هو المخ. Qu'est-ce que le مخ? Le cerveau. Ouais, mais c'est autre chose aussi. La moelle épinière. Car tout animal a un cerveau. D'accord? Ici, dans ce hadith, le prophète sallam dit celle qui n'a pas de moelle. Autrement dit, celle qui est tellement maigre que la moelle épinière présente dans ses os est quasiment disparaît, est quasiment inexistante. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une bête qui n'a pas de moelle? Non? Les os, ils sont fins, mais il y a des os qui sont fins et qui comportent de la moelle. Par rapport aux autres bêtes. Même par rapport aux autres bêtes. Il y a des troubles. Il n'y a pas d'autre solution que de l'égorger et de casser les os. Il n'y a pas d'autre solution que de la sacrifier et de casser l'os. Pour voir s'il comporte de la moelle ou pas. Non. Et celle qui est maigre, mais qui a de la moelle dans ses os. Est-ce qu'elle est autorisée ou pas? Non? Non, elle est autorisée. Car le professeur Hassan a dit Al-kassiratu allati la tunqi. La maigre qui n'a pas de moelle épinière dans ses os. Donc, ce sont deux conditions. Lorsque l'une des deux n'est pas présente, cette bête est autorisée ou est valable concernant al-udhiya. Et celle qui est bien portante, mais qui n'a pas de moelle. Est-ce que c'est possible déjà qu'une bête soit bien portante et qu'elle n'a pas de moelle? Si, c'est possible. Les savants disent c'est possible. Celle qui, par exemple, celle que l'on goinfre, celle que l'on donne à manger en grande quantité et qui grossisse, mais la moelle épinière n'a pas a eu le temps de s'imprégner dans les os. La viande, la viande est effectivement recouverte de graisse, elle est bien portante, mais les os ne sont pas imprégnés de moelle. Donc il est possible qu'une bête soit bien portante, mais ne comporte pas de moelle. Et bon, ça c'est bien sûr beaucoup plus rare. Puis, Al-Bara ibn Azib, plutôt... Al-Bara ibn Azib a dit, Na'afwan, Ubayd ibn Fayrouz a dit, Fa'inni yakrahu an yakuna naqsun fil udhun. Quant à moi, je déteste lorsqu'il lui manque quelque chose, ou lorsqu'il lui manque un bout d'oreille. Et Al-Bara ibn Azib lui a dit, Fama karihta minhu fada'hu, ce que tu détestes, délaisse-le, wa la tuharrimuhu ala ahad. Mais par contre, ne l'interdit à personne. Donc la bête à qui il manque un bout de corne ou à laquelle il manque un bout d'oreille, est-ce que cela entre ou est valable dans l'udhiya? Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit Al-Bara ibn Azib? Ce que tu n'aimes pas, délaisse-le, mais ne l'interdis personne. Vous venez l'interdire là. Taïb. Non. Non. C'est dans le même cas. Non. Les quatre, c'est vraiment les quatre catégories qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas cinq, il y en a quatre. Mais ça rentre dans la catégorie de la corne, une formation interne. Non, une formation interne, c'est pas quelque chose qui interdit la. Non. طيب ولا يجزي في لوتر دي ولا يجزي في الأضحية الجذع من المعز اي ني با فالابل كونسيرنان الأضحية الجذع من المعز كيسك الجذع الجذع من المعز الجذع لي سافون ديز سي لا بيت كي ا انتر 6 mois et 1 an qui a plus de 6 mois et moins de 1 an. Donc, la chèvre ou le bouc qui a plus de 6 mois et moins de 1 an n'est pas valable concernant l'udhiya. La preuve du hadith de Barra ibn Azib, radiallahu anhu, qui dit qu'un de mes oncles, appelé Abu Burda, a égorgé le jour de l'Aïd avant la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Chat ou kachat ou lahmin » Ta brebis est une brebis de viande. C'est-à-dire que ce n'est pas un sacrifice, mais c'est de la viande dont tu pourras profiter ta famille et ceux à qui tu désires la donner. Faqala, et il a dit, c'est-à-dire Abu Burda, ou envoyé d'Allah, Inna indi dajinan jaz'atan min al-ma'z. J'ai une chèvre qui a entre 6 mois et 1 an, dajinan. Et yani dajinan, c'est une chèvre qui reste dans la maison, yani qu'il élève directement dans sa maison. Autrement dit, qu'il ne mange pas dans les pâturages. قال اذبحها et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit égorge-la ولا تصلح لغيرك égorge-la et cela ne vaut que pour toi ou cela ne vaut pas pour autre que toi et cela ne vaut pas pour autre que toi qu'est-ce que cela veut dire bien ça veut dire que c'est une dérogation que lui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui seul, à lui spécifiquement. À lui spécifiquement. Dans d'autres hadiths, yani la spécification est beaucoup plus claire que cela est propre à toi ou cela n'appartient pas à autre que toi. Thumma qala, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui égorge avant la prière, il a alors égorgé pour lui. Et celui qui égorge après la prière, il a alors accompli son sacrifice et a fait ou a pratiqué la sunna des musulmans. Et a pratiqué la sunna des musulmans. Non. Comment ils ont compris que propre à toi, c'est concernant le fait que c'était réservé à toi et pas la viande, elle est pour toi? Parce qu'il y a d'autres hadiths qui l'expliquent. Il y a d'autres hadiths dont les termes sont plus clairs. Je ne les ai pas en tête là. Mais les hadiths sont connus où le professeur Hassan s'est adressé à Abu Burda lui disant que cela était propre à toi. Et yani, les savants ont divergé sur ce hadith. Ils ont dit comment est-ce que cela peut être propre à un homme parce que c'est un homme et cela n'est pas connu dans la religion. Yani, en islam, il n'y a pas quelque chose qui est propre, un jugement qui est propre à une personne en particulier. Il y a un jugement qui est propre concernant comment dire, une catégorie de gens, mais pas des gens en particulier. Le prophète sallam a des particularités. Est-ce que ces particularités lui sont propres parce qu'il s'appelle Muhammad ou parce que c'est l'envoyé d'Allah? Parce que c'est l'envoyé d'Allah, parce que c'est un prophète qu'il a des spécificités. D'accord? Et yani, certains savants ont dit qu'effectivement c'est propre à Abu Burda, et d'autres savants ont dit non. Si ce cas se révèle, le même cas, le cas similaire, s'avère chez une personne, il a le droit de faire comme a fait Abu Burda. Autrement dit, celui qui a égorgé avant la prière au jour de l'Aïd, il lui est autorisé d'égorger une chèvre qui a moins d'un an. Et on déduit de ce hadith, car c'est le but de l'auteur, que al-jav, que la chèvre, j'ai dit brebis avant ou j'ai dit chèvre? Chèvre. Donc la chèvre qui a moins d'un an, elle n'est pas valable concernant l'udhiya. Elle n'est pas valable concernant l'udhiya. Et le mouton et la brebis ? Pareil. C'est-à-dire ? Minimum 6 mois. Pour le mouton et la brebis, c'est minimum 6 mois ou minimum 1 mois ? 1 an. C'est quoi la preuve ? Non. Il n'y a rien qui dit qu'il faut qu'elle ait plus de 6 mois. Ouais. Donc dans ce cas-là, on peut l'égorger à 2 jours alors. Non, il y a des hadiths. Faut pas inventer les choses. Il y a un hadith où le professeur Hassan a dit « La tadbahu illa musinna illa an ya'asura alaykum fatadbahu jad'atan min adda'an » C'est un hadith que l'auteur n'a pas cité. Mais il y a un hadith où le professeur Hassan a dit « N'égorge qu'une musinna »« La tadbahu illa n'égorge qu'une musinna » « La tadbahu » c'est-à-dire « N'égorgez pas » ou « N'égorgez » c'est-à-dire « Le jour de l'Aïd » en tant que sacrifice du jour de l'Aïd. « Illa musinna » Et « Al-musinna » les savants ont dit c'est concernant « Al-da'n » et « Al-ma'z » un an. Celle qui a un an. « Al-ma'z » et « Al-da'n » quand on dit « Al-da'n » c'est le mouton et la brebis, et quand on dit « Al-ma'z » c'est le chèvre, la chèvre et le bouc. Donc la chèvre et le bouc doivent avoir au minimum un an. Et si on suit ce hadith, également le mouton et la brebis. Concernant la vache, c'est combien ? C'est 2 ans. La vache et le bœuf, al-musinna, c'est 2 ans. Et al-ibil ? Et le chameau et la chamelle ? C'est 5 ans. 5 ans. Et ça, on l'avait vu dans Kitab Zakat. Dans Kitab Zakat, on a vu que le moussine pour la vache et le bœuf, c'était 2 ans. Donc, ça, c'est la base. La base, c'est que ces animaux doivent avoir 1 an, en fonction de la catégorie de l'animal, 1 an, ou bien 2 ans, ou bien 5 ans. Et le professeur Hassan m'a dit « Illa an ya'asura alaykum » Sauf si vous avez du mal, فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ Alors, égorgez الْجَذْعَة parmi الضَّأْنِ Et الضَّأْنِ, c'est le mouton ou la brebis. Et si cela vous est difficile, alors égorgez parmi les brebis ou les moutons celles qui ont plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Donc ici, il y a une dérogation, et cette dérogation s'applique aux moutons et à la brebis. Est-ce que celui qui ne peut pas a le droit d'égorger Al-Jad'a, par exemple, concernant la vache ? Non. La vache, le minimum, c'est 2 ans, c'est pas moins. Le minimum pour l'ibil, c'est 5 ans, et pas moins. Et le minimum pour la chèvre et le bouc, c'est 1 an. Et la dérogation vaut pour le mouton et la brebis. Et les savants sont unanimes sur le fait que dans ce hadith, tu as le droit d'égorger un mouton ou de sacrifier un mouton ou une brebis qui a entre 6 mois et 1 an, même si tu trouves autre. Parce qu'ici dans le hadith, le prophète me dit « Illa an ya'asura alaykum » Sauf si cela est pour vous difficile. On peut comprendre de ce hadith que lorsque ce n'est pas difficile, alors il n'y a pas de dérogation et que le minimum pour le mouton et la brebis serait de 1 an. Mais il y a d'autres hadiths du professeur Hassan dans la sunna qui montrent que le professeur Hassan a égorgé ou a autorisé l'égorgement de brebis qui avaient entre 6 et 1 an. Donc, associé aux autres hadiths, les savants sont unanimes au fait qu'il est autorisé, que tu as la possibilité ou non, que tu as la facilité ou la difficulté ou non. Comment reconnaître un mouton ou une brebis qui ont entre 6 mois et 1 an ? Les dents, non ? Avec les dents, non ? Certains disent avec les dents, je ne connais pas cette technique des dents. Mais beaucoup disent qu'il y a effectivement les dents. Naam. Alors, la chose que citent les savants, c'est le poil, les poils du dos. Lorsque les poils sont debout, c'est-à-dire lorsqu'ils sont debout, le mouton, la brebis, ont moins de 6 mois. Et ils ont entre 6 mois et 1 an lorsque le poil est couché sur le dos. Lorsqu'il se couche sur le dos, là, tu sais qu'il a entre 6 mois et 1 an. Allahu a'lam. Plus de questions sur ça ? نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السنه القادمه ان شاء الله نتمم غاب كتاب باب العقيقه.